Les éditions La Fille d'à côté présentent Faustine, une saga biographique. Tome 1, Faustine ou la joie de vivre, par Christina Schwab. On ne saura jamais pourquoi. Faustine est couchée dans le fond du bateau. Au-dessus d'elle, les milliers d'étoiles de cette nuit d'été s'éteignent une à une. Elle écoute le clapotis des vagues le long de la coque et le chointement de l'avancée. Les hommes ont éteint le moteur, lancé les filets. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle apprécie la sérénité du moment. À intervalles réguliers, elle entend le plouf-plouf des bouées qu'on lance et qui entraînent l'immense filet à leur suite. Le vent se lève avec l'aube. Il commence à fraîchir et le plus jeune des deux hommes l'enveloppe dans une couverture militaire rêche et chaude. « Wie geht's, Maitli ? Comment ça va, petite fille ? Gut ?» lui répond-elle du haut de ses 6 ans avec un immense sourire. Elle a dû meuler, réclamer, avec beaucoup d'opiniâtrité avant d'obtenir qu'on la réveille à 4 heures du matin pour embarquer avec les pêcheurs de la famille. Ils ont longtemps hésité, ne lui ont accordé sa victoire que sur la promesse absolue qu'elle ne bougerait pas une oreille, ne ferait pas peur aux poissons. Encore toute fière de son exploit, elle se recale dans sa couverture et continue d'engranger les bénéfices de son aventure sous forme de souvenirs. Les odeurs, les sons, le vent, les étoiles, le lever du soleil, les poissons visqueux qui s'accumulent autour d'elle. « Nein, on ne touche pas !» La chaleur du cocon qui l'enveloppe et le bercement de l'eau. Jamais elle n'oubliera cette expérience extraordinaire. Un jour, dans 60 ans, elle la racontera à ses petits-enfants. Tout à l'heure, ils rentreront au village et Erika, la jeune fille au père de ses parents, l'installera devant une ovomaltine chaude. Quelle bonne idée elle a eue d'inviter Faustine dans sa famille au bord du lac des Quatre Cantons. C'est bien mieux que de passer l'été en ville ou en colonie. Ce petit village de Suisse centrale ressemble à une carte postale. Enfin, ressemblerait, si une garnison n'y stationnait pas avec son lot de jeunes recrues bruyantes, contraintes au service militaire et par conséquent obligées de perdre 4 mois de leur précieuse vie. Les parents d'Erika gèrent le restaurant qui accueille surtout des soldats, parfois des touristes. Erika les aide quand il y a trop de monde en haute saison. Pendant ces heures de solitude, Faustine continue à accumuler les expériences. Sauf au stand de tir qu'on entend d'ici, elle peut aller à peu près partout, même au bord du lac, si elle promet de ne pas plonger dedans. Elle ne sait pas encore bien nager et ils sont responsables vis-à-vis de ses parents. L'autre jour, elle est partie avec Peter, le petit frère d'Erika qui va sur ses 9 ans. Il l'a laissé monter à l'arrière de son vélo. Ils ont roulé jusqu'à l'église, tout en haut du village. Peter n'en pouvait plus. Faustine pèse son poids. Il a essayé de le lui exprimer dans son patois, mais à part un sourire d'incompréhension, il n'a pas reçu la reconnaissance espérée. Ce jour-là, il y a un cercueil devant l'autel. Dedans dort une très vieille dame. Peter dit qu'elle est morte. Faustine a beau la transpercer du regard à l'affût d'une réaction, elle ne bouge pas. Comme c'est étrange, une morte. Son nouveau maltine avalé, Faustine sort se promener. Le jour est levé maintenant, la chaleur s'installe. La petite fille s'approche du lac, note qu'il n'a pas changé, sauf que les montagnes se reflètent mieux dedans. De l'endroit où elle se tient, on aperçoit bien le fond. De minuscules alevins filent à toute vitesse entre les herbes flottantes. Faustine pourrait rester des heures à regarder leur balai. Mais aujourd'hui, elle a plutôt envie d'aller solliciter Peter. Avec un peu de chance, il aura une nouvelle expérience à lui proposer. Elle se dirige vers la buvette, sautant à cloche-pied sur les dalles irrégulières. La porte claque. Faustine lève la tête. Un soldat marche dans sa direction. Il sifflote. Allume une cigarette, observe l'enfant qui s'est arrêté, curieuse. L'homme sourit, approche le bout incandescent de la joue rebondie. Il appuie. Au loin, un merle siffle.